Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. De quoi avons-nous besoin pour faire une rencontre? D'au moins deux personnes, un homme, une femme, deux hommes ou deux femmes, au moins. Avec plus, c'est très bien aussi. Pour faire une rencontre, il faut surtout un qualificatif, car la rencontre peut être mauvaise, fortuite, inattendue, fâcheuse, amoureuse ou encore providentielle. La rencontre, toute seule, a longtemps indiqué l'action de combattre. Hardi à la rencontre, hardi à l'attaque, et qui écrit Rabelais dans son Gargantua. Oui, parler de rencontre nécessite toujours de savoir de quoi l'on parle. Dans l'argot des bas-fonds parisiens, une tire à la rencontre est un vol à la tire qui s'opère en bousculant sa victime. Action de combattre ou de dérober, la rencontre, par les sens que peut prendre ce mot, n'est pas toujours heureuse. Un océan sépare la rencontre guerrière de la rencontre amoureuse. Il est certain, en revanche, que la rencontre nécessite au moins deux personnes, au moins. Et puisqu'ils sont deux, autant donner la parole aux uns et aux autres pour l'exploration du monde, par exemple. Celui qui a longtemps été appelé le découvreur a beaucoup parlé. Mais qu'a dit le découvert? Quel mot horrible! Nous nous mettons ce matin dans le cours de l'histoire à la place du vaincu. Cette semaine, le cours de l'histoire s'intéresse à l'exploration du monde. Qu'est-ce que veut dire découvrir le monde? Hier, nous avons parlé de cette notion de grande découverte. Pendant longtemps, on a parlé de grande découverte, mais aujourd'hui, on ne parle plus de grande découverte parce que ces grandes découvertes résumées au 15e, 16e siècle sont en vérité beaucoup plus larges et beaucoup plus complexes qu'on les a longtemps présentées. Des émissions à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast. Et aujourd'hui, nous nous mettons donc à la place de ceux qui ont vu un jour de gros navires s'approchaient de leurs côtes, et oui, particulièrement les Indiens, ceux qui ont été vaincus. Avec vous, Thomas Griot, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien chargé de recherche au CNRS. Vous avez écrit « Après la Grande Guerre, comment les Indiens des États-Unis sont devenus patriotes » 1917-1947. Mais globalement, vous vous intéressez à cette culture indienne, à cette vision que les Indiens peuvent avoir de l'Occident. Et avec vous, Laurent Binet, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, j'ai envie de dire vous aussi, car l'historien est toujours un écrivain. Vous êtes professeur de lettres, vous l'avez été pendant longtemps en Seine-Saint-Denis, mais quel métier merveilleux, nous avons tous été professeurs, moi d'histoire, vous de lettres. Et aujourd'hui, on dit que vous êtes écrivain, vous êtes surtout auteur de HHHH, j'en ai pas mis un en trop, chez Grasset, c'était en 2010, prix Goncourt du premier roman, et de la 7e fonction du langage. Chez Grasset également, prix du roman Fnac, prix Interallié surtout. Et aujourd'hui, vous venez avec un roman intitulé Civilisation, bah toujours chez Grasset, vu que vous y êtes bien. Civilisation, où étonnamment, c'est Atahualpa qui conquiert l'Europe. En fin d'émission, nous retrouvons Anaïs Kien qui assure également la programmation du cours de l'histoire. Anaïs Kien avec son journal de l'histoire. Mais pour le moment, c'est l'histoire d'une rencontre. D'une rencontre entre eux. Des Espagnols, des Aztèques et des Incas. À Mexico, de nombreux présages annoncent des événements funestes, comme l'apparition de comètes en plein jour. Quelque temps plus tard, un homme vint au palais de Moctezuma, l'empereur aztèque, raconter qu'il avait vu flotter sur l'océan une montagne et une grande colline. L'empereur envoya des gens vérifier la nouvelle, qui revinrent et dirent qu'ils avaient vu des hommes étranges, assis sur d'étranges animaux. Leur corps est entièrement caché par des habits. On ne voit que leur visage. Ils ont des armes qui retentissent comme le tonnerre, qui envoient une boule de feu, qui fendent les collines et pulvérisent les arbres. À ce récit, le cœur de Moctezuma fut rempli de tristesse. Oh là là, c'est une rencontre qui fait peur, cette rencontre pleine de tristesse. Les Indiens d'Amérique, c'était sur la 3e chaîne de la télévision française en 1976. Le récit d'une rencontre, c'est bien dit dans ce que l'on vient d'entendre, il y a un récit de cette rencontre et on la présente souvent, cette rencontre, comme des Indiens qui sont terrorisés par ceux qu'ils imaginent être des dieux. Thomas Griot, est-ce que ce récit est vrai? Est-ce que les Indiens ont perçu ces hommes qui arrivaient d'Europe comme des dieux? Ben vous posez d'abord une question, c'est qui sont les Indiens et de qui on parle quand on parle des Indiens. Si on prend toutes les Amériques, on a vraiment des centaines, des milliers de groupes pour lesquels on est en fait très peu documenté. Donc ce récit effectivement qui est avec lequel on vit, cette idée de population terrorisée, paniquée par l'arrivée de l'étrange, il est bien ancré, on ne sait pas d'où il vient, ou plutôt on sait qu'il relève autant de la propagande que de la réalité, et de relectures également qui ont été faites par les indigènes eux-mêmes, des années après les faits. Le fait est, c'est que on a très peu d'informations sur ce point de vue des indigènes, et elle nous vient toujours des découvreurs, entre guillemets. C'est ça qui est intéressant dans cette histoire d'exploration du monde, c'est que les sources dont dispose l'historien sont surtout des sources venues de ceux qui ont découvert des vainqueurs. Et notamment, là, la question est au cœur de notre interrogation de ce matin sur ce que disent les vaincus. Vous, en tant qu'historien, Thomas Griot, vous disposez de quoi comme source? Alors, je veux revenir sur le terme de vaincu, vainqueur. Ça aussi, c'est rétrospectif. On est, quand Christophe Colomb arrive, il n'y a pas de vaincu, il n'y a pas de vainqueur. Et il va y avoir des conquêtes, effectivement, mais qui vont durer très, très longtemps. On pense évidemment à l'effondrement d'empires comme l'Empire Aztèque ou l'Empire Inca. C'est effectivement des défaites majeures. Mais on a tout un tas d'autres rencontres qui vont pas se passer sous l'angle non ambigu d'une défaite et d'une victoire, mais qui vont être des accommodations mutuelles qui vont prendre du temps. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on relie tous ces événements à l'aune de ce qui s'est passé en 1480, pardon, on relie tout ça à l'aune ce qui s'est passé par la suite et qui est effectivement la subjugation de tous ces peuples aux mains des Européens, des Euro-Américains. Oui, Thomas Griot, on comprend bien que la nécessité absolue est une nécessité de nuance, c'est-à-dire que souvent ce récit a été présenté comme un tout, comme un bloc, alors qu'en vérité, tout se décline selon tous les possibles. Donc, si on met en place ce jeu qui est extrêmement complexe, vous l'avez dit déjà, les Indiens, ce n'est pas un tout. Il y a énormément d'Indiens. Les premiers Indiens rencontrés sont ceux des îles. Et puis ensuite, il y a le Mexique. Et puis ensuite, il y a les Indiens d'Amérique que vous avez étudié, Thomas Griot, plus particulièrement. Dans ce monde-là, vous identifiez plusieurs type de rencontre, parce que factuellement, nous le voyons bien, il y a des alliances entre les Européens et certains Indiens. Ça, c'est caché souvent, mais la conquête espagnole s'explique par des alliances. Absolument. Et il y a aussi plusieurs types de rencontres, au sens où on imagine toujours la rencontre comme deux groupes qui se retrouvent en face à face sur une plage. En réalité, il y a des rencontres qui se font à distance, et il y a des rencontres qui se font par le biais d'objets. Les Sioux rencontrent les fusils avant de rencontrer les Français. Donc cette rencontre-là, on l'oublie, mais elle est tout aussi importante. Elle va permettre une accommodation telle que, par exemple, un animal complètement étranger comme le cheval va devenir emblématique de toute une culture, enfin d'un ensemble de cultures, les cultures des plaines et d'un mode de vie. Si bien que quand on se retrouve face aux Sioux à cheval, eh bien on trouve ça naturel au 19e siècle, alors qu'en réalité, c'est un produit de cette rencontre. Mais encore une fois, une rencontre différée, une rencontre avec une latence, qui a pu être importante dans la mesure où elle a permis une adaptation qui a permis de mieux faire face justement à ce que pouvait avoir de destructeur l'arrivée physique des Euro-Américains, des Européens. Oui, parce que l'arrivée physique nous est racontée par ceux qui arrivent, mais nous l'imaginons très facilement, cette arrivée physique. Nous imaginons le navire qui arrive. Mmh. Nous imaginons, par les films sans doute que nous avons vus, mais parce que il est assez facile de mettre en place un récit sans même avoir énormément de sources, de navires qui ont quitté l'Europe et qui arrivent sur des îles. Et là, c'est la surprise pour les Indiens, c'est la rencontre du dieu blanc. Que valent les songes? Sur les rivages de l'Est, un dieu de l'ancien Mexique s'était sacrifié. Il avait dressé son bûcher au bord des vagues et s'était immolé. Il s'appelait Quetzalcoatl. On le disait de peau blanche et barbu. Il avait annoncé qu'il reviendrait. Or, sur ces rivages, un homme blanc allait aborder. L'ancien Mexique crut au retour du dieu sauveur, tel était le mythe. La vérité fut autre. Sur le Mexique vaincu, un homme élève son effigie. S'il était blanc, c'était comme le fer de l'épée, c'était le conquistador. S'il était blanc, c'était comme le fer de l'épée, le conquistador, Terre des Arts, une émission de l'ORTF en 1962. Quetzalcoatl, le serpent à plumes en fait, c'est le dieu aztèque. Ce dieu aztèque qui a été identifié dans ses conquistadors, Thomas Grillot, vous dites donc que c'est aussi une recomposition pour expliquer la réussite de l'arrivée des Européens et la conquête rapide. Il est possible aussi que ça ait correspondu à un premier cognitif. On voit effectivement arriver quelque chose qui est différent et on va le rabattre sur le surnaturel, avec toute une variation, encore une fois, de peuple en peuple. Mais ce qui est certain, c'est que passé ce premier choc, il y a une habituation assez rapide, et que ce qu'on voit se développer très rapidement, c'est des relations de commerce, d'échange, d'alliance, qui n'excluent pas le surnaturel, mais qui vont très vite faire l'économie d'une figure du blanc envahisseur dieu. Il est possible que ça ait eu lieu. Je répète qu'on a très peu de sources, que ces sources sont très souvent celles des envahisseurs qui aimaient bien aussi se voir comme supérieurs, donc proches des dieux. Oui, et puis qui aimaient bien aussi cacher le fait qu'ils ont utilisé des pratiques machiavélique pour prendre un mot qui date en plus de cette période-là, mais c'est vrai que ces alliances, ce commerce ne correspondent pas toujours à l'idée de la conquête telle que voulait cela représenter les conquistadors. Nous faisons une conquête guerrière et nous avançons et rien ne peut s'opposer à nous. Alors que dans la réalité, il y a beaucoup plus de tractations, beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de commerce. Sans doute que la chute de ces deux empires dont on parlait précédemment est un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire qu'il y a une multiplicité d'échanges qu'on ne peut pas tous rabattre sur la violence militaire, encore moins le génocide. Oui, parce que le schéma qui se met en place est celui de l'homme civilisé, on va dire, face au sauvage. La lecture qui est offerte par ceux qui découvrent, tel qu'il se présente, est vraiment une opposition directe entre deux mondes. Et il est nécessaire pour eux de construire cette image-là, de dire il y a face à nous des sauvages et nous sommes la civilisation. Absolument, j'ai parlé de propagande tout à l'heure. On peut lire tous ces textes, récits de missionnaires, récits de conquêtes, journaux de bord, comme d'abord un travail de propagande à l'intention des Européens. On justifie la conquête qu'on a faite auprès de ses commanditaires et auprès aussi d'une certaine forme de public qui existe déjà plus ou moins en Europe, en tout cas des cours européennes auxquelles on veut démontrer qu'on a bien fait de faire ce qu'on a fait. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Nous nous interrogeons aujourd'hui sur le regard des Indiens, sur le regard que les Indiens ont pu porter sur ceux qui arrivaient chez eux. Et vous nous dites, Thomas Grillot, qu'il y a, pour les sources, surtout la domination des sources occidentales et notamment des sources de propagande. Ces sources de propagande peuvent prendre énormément de formes et notamment des formes qui vont construire une image du sauvage en Europe. La gloire vous appelle, écoutez ces trompettes, hâtez-vous, armez-vous et devenez guerriers. Ce sont les Indes galantes de Jean-Philippe Rameau en 1735. Hâtez-vous et devenez guerriers. Les Indes galantes de Rameau en 1735, mais qui a un écho aujourd'hui encore. Quand je dis aujourd'hui encore, je parle vraiment du présent, puisque cet opéra est joué à l'Opéra Bastille en ce moment. Et d'ailleurs, jeudi, le 10 octobre, jeudi qui vient, 19h30, on peut le voir en direct sur Arte Concert. Cette construction de l'image du sauvage, vous, en tant qu'historien, comment faites-vous pour vous en départir, pour essayer de l'éloigner et trouver un peu ce que ceux qui étaient sur place ont pu ressentir au moment de l'arrivée des Européens? Ben, j'ai envie de vous dire, la première méthode, ça aurait été de refuser de se prononcer sur la question, de refuser d'essayer de lire des sources comme ça contre elles-mêmes. C'est évidemment pas celle qui a été choisie par les historiens qui ont développé un certain nombre de techniques, et notamment celle qu'on appelle l'ethnohistoire, qui consiste à relire des moments qui ont été captés, si vous voulez, par des observateurs européens, mais au prisme de ce qu'on sait par ailleurs. Grâce au travail des anthropologues notamment, de ces cultures-là. Et donc on relie des rencontres, non pas à travers les lunettes politiques, machiavéliennes, vous l'avez dit, du conquistador, mais à travers ce qu'on peut savoir parallèlement des manières de faire des gens sur place, des indigènes. Ce qui nécessite d'aller voir effectivement d'autres disciplines. Hein. Vous parlez d'ethnologie, on pourrait évoquer l'anthropologie, parce que les sources, en fait, dans ces civilisations, sont difficiles à obtenir, au sens où nous avons des transmissions orales de l'histoire, et avec la rupture majeure qu'a été la colonisation, cette transmission orale a été rompue. A-t-elle été vraiment si rompue que cela? Vous positionnez directement un rapport entre Europe et Amérique qui serait un rapport entre écrit et oralité. En réalité, il y avait de l'écrit, comme on sait, dans l'Empire aztèque. Il y a aussi des formes de conservation du souvenir qui passent par des objets, par une mnémotechnique, des formes d'analystique qui existaient dans un certain nombre de peuples. Donc on n'est pas absolument sans objet. On n'a pas que la parole des personnes. Et même cette parole, il a bien fallu qu'elle soit recueillie à un moment et transformée en écrit. Donc la différence n'est pas si évidente. La question, c'est quel degré de fiabilité peut-on accorder à des recueils qui se font des décennies, des siècles après la rencontre. Mais en même temps, ça livre des choses tout à fait intéressantes. Et par exemple, dans un certain nombre de peuples, ce qu'on voit, c'est que la rencontre n'est pas décrite comme les Européens à la rencontre des Indiens, mais les Indiens à la rencontre des Européens. Un homme a un rêve. Il voit un être merveilleux, surnaturel, possesseur de biens eux-mêmes merveilleux, surnaturel. Il se met en route et va à la rencontre des Blancs. Il y a un certain nombre de peuples des Grands Lacs pour lesquels on a ce type de récit-là. Donc, même si effectivement c'est une source à prendre avec des pincettes, on voit comment la rencontre a pu être perçue, même avec des années de décalage. C'est-à-dire pas comme quelque chose qui a été imposé, qui est une irruption de l'étranger, de la violence, mais comme dans un univers indien, l'arrivée d'un nouvel être, d'une nouvelle puissance qu'il s'agit de domestiquer, d'apprivoiser, de faire rentrer dans son univers. Oui, pendant des siècles, on parlait de découverte, comme si les Indiens n'avaient pas découvert les lacs, comme si les Indiens n'avaient rien découvert. Aujourd'hui, on sait qu'il ne faut plus utiliser ça, mais vous nous dites, Thomas Griot, que cette rencontre se fait bien dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on peut dire que les Indiens, eux aussi, ont découvert ces gens qui arrivaient. Il y a, dans ces échanges, énormément de rencontres possibles. Elle peut être très pacifique, elle peut être très belliqueuse. Vous arrivez, vous, à identifier comment, en tant qu'historien, ont pu se passer ces rencontres selon les différents peuples. C'est-à-dire que les sources sont suffisantes ou non pour essayer de voir dans le détail comment ces rencontres peuvent être construites. Alors, il y a maintenant une recherche qui est quand même suffisamment conséquente et solide pour que je puisse me permettre d'essayer de proposer des généralisations. Donc oui, on peut arriver à ce genre de choses. Après, je vous le dis, c'est un domaine extrêmement parcellaire. Et donc, on en est quand même à des hypothèses, à repérer des ressemblances, à repérer des différences aussi, à voir ceux qui ont accueilli, ceux qui ont été hostiles, à essayer d'expliquer pourquoi. Et souvent, ce qu'on comprend, c'est que ça dépend d'une histoire antérieure. Tout ne commence pas en 1492. On a des gens qui ont eu des histoires complexes, des histoires où il y a des entités politiques qui se sont créées, puis qui se sont dissoutes, etc. Et tout ça va conditionner la manière dont les différents peuples vont réagir ou pas. Et vous l'avez dit, la rencontre, ce sont des alliances. Eh bien, certains peuples vont s'allier avec ces Européens-là parce qu'ils sont face à des ennemis indigènes qui menacent de les détruire. Donc, voilà, c'est cette histoire antérieure qu'il faut essayer de retracer comme on peut en croisant l'archéologie, l'anthropologie et l'histoire. Oui, et puis toutes les sources diverses et notamment les écrits, parce qu'il y a des écrits, il y a des rituels, il y a énormément de choses à récupérer. Mais ce que vous nous dites, Thomas Griot, c'est que l'histoire de cette rencontre, et on peut aller même plus loin, l'histoire de la colonisation, et si on prend le cas qui nous intéresse, de l'Amérique, ne peut se comprendre que sur une histoire du temps long, c'est-à-dire qu'il faut remettre en place toutes les structures antérieures pour comprendre comment s'est passée la colonisation des Européens. On a 1492, mais on a des choses avant et on a des choses après. Et l'histoire ne finit pas en 1492, certes, il y a quelque chose qui se passe, mais rien n'est joué, rien n'est dit à ce moment-là. Pendant longtemps, les Européens ont du mal à s'installer. Et ils ont du mal à faire souche. On parle de colonisation, mais c'est à peine un séjour. C'est pas une colonisation. Il y a des colonies entières qui disparaissent parce que on n'arrive pas à se nourrir, on n'arrive pas à s'installer. Et il y a des colonies qui survivent parce qu'elles ont de l'aide qui leur vient des Amérindiens. Donc il faut attendre vraiment le XVIIIe siècle pour qu'on puisse commencer à se dire ah vraiment les choses ont l'air de s'être un peu jouées là. Mais encore, jusqu'au XIXe siècle, on a des empires indiens qui apparaissent, empire Sioux, empire Comanche. Je réutilise ce terme-là un peu vaguement, mais c'est pour dire il y a de grosses entités, de grosses puissances qui vont naître. Jusqu'au XIXe siècle. Jusqu'au XIXe siècle, et c'est vrai que là, vous parlez de l'Amérique du Nord avec les Sioux, mais on va trouver également en Amérique du Sud des résistances sur le long terme. L'image d'un peuple indien complètement écrasé est fausse, dans le sens où il n'y a pas un peuple indien, il y en a plusieurs, et en plus, il n'est pas écrasé, c'est-à-dire qu'il y a... une persistance, mais le mot ne va pas parce qu'il est négatif. Il y a quand même des cultures qui se maintiennent à travers la colonisation européenne. Et toutes ces cultures qui se maintiennent, même adaptées au christianisme, sont des signes de résistance. Il ne faut pas projeter dans le passé les termes comme assimilation qu'on peut utiliser aujourd'hui. On a évidemment des formes d'accommodation à la différence dans les sociétés d'Ancien Régime qui n'ont rien à voir avec celles qu'on a aujourd'hui. Donc oui, on a une diversité de ces sociétés-là, aussi parce qu'en Europe, on a une acceptation de sous-groupes, de groupes à l'intérieur de la société qu'on aurait pu maintenant, qu'on rabattrait du côté du communautarisme. Alors toujours dans cette interrogation que nous avons ce matin dans le cours de l'histoire sur France Culture, sur comment... Les découverts ont regardé leurs découvreurs, pour utiliser deux mots qui ne conviennent pas du tout, mais pour faire comprendre l'idée, comment les Indiens ont regardé ceux qui sont arrivés chez eux, il est nécessaire de jeter un œil sur le renouveau d'une lecture par les Indiens eux-mêmes de leur passé, notamment au moment de l'anniversaire de la découverte de l'Amérique. Découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, 1492, et bien là, nous sommes en 1492. Par dizaines de milliers, Indiens et Métis, rassemblés pour rappeler qu'il y a 500 ans, ils existaient avant que l'Europe ne les découvre. Une manifestation sans précédent dans l'histoire de l'Amérique. Ils sont venus des quatre coins du Mexique, représentant les communautés indigènes qui ont survécu à la colonisation espagnole et parlent encore leurs langues originales, zapotèque, chinantèque, nahuatl, yaqui. Groupés en organisation paysanne, ils sont montés à la capitale pour réclamer leur dû. Légalisation des propriétés indiennes, libération des prisonniers indiens, 5000 environ au Mexique, accusés d'invasion de terres ou de cultures illégales. Pour eux, le 500e anniversaire n'est pas une fête. Thomas Griot, comment vous analysez, là on vient d'entendre un reportage de TF1 en 1992, donc pour les 500 ans de l'anniversaire de la découverte de l'Amérique, comment vous analysez le renouveau ou la relecture du passé aujourd'hui par les Indiens sur cette relecture de la découverte? Vous avez bien fait de parler de 1992, en un sens on est toujours en 1992 de ce point de vue-là. C'est-à-dire que la relecture qui a été faite à ce moment-là, elle est aujourd'hui, relativement dominante. Elle consiste à dire simplement... 500 ans d'histoire, 500 ans de génocide. Je le dis rapidement, mais c'est vraiment quelque chose que vous allez voir dans un certain nombre de publications indiennes aux États-Unis aujourd'hui de manière assez fréquente. Et pourquoi ? Parce que dans les 10 ans, 15 ans qui précèdent, on a un mouvement indigéniste qui va se développer à travers l'ensemble des Amériques pour faire reconnaître des droits particuliers aux Indiens et aussi pour faire accepter par les différentes majorités non-indiennes des pays dans lesquels habitent ces différentes populations autochtones une autre vision de l'histoire. C'est un combat essentiel de ce mouvement indigéniste, c'est qu'on cesse de raconter l'histoire des Amériques comme une histoire héroïque et glorieuse et l'histoire d'une inévitabilité. Les Européens et leurs descendants devaient forcément triompher des autochtones, des indigènes, des Indiens, des locaux. Oui, c'est la question qui est au cœur hein, de cette relecture du passé, en fait, disons-le, parce que tout était possible et les Indiens, en tout cas, veulent montrer que leur culture est toujours présente. Et il y a ça aussi, c'est-à-dire que l'identité est là aujourd'hui pendant qu'on parle, mais cette identité est niée et ils sont présentés comme des vaincus, vous l'avez bien dit, hein, Thomas Griot, ils ne sont pas tous vaincus parce qu'il y a énormément de formes de rencontres, mais l'image généralisée de l'Indien, où qu'il soit en Amérique, c'est l'image d'un vaincu. C'est cette image-là aussi qu'il faut casser. Ben, les Indiens sont un peu prisonniers d'un double bind de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'ils doivent à la fois montrer tout ce qu'ils ont perdu et accepter d'une certaine façon cette image de vaincu, mais en même temps, ils ne peuvent revendiquer les choses que parce qu'ils ont survécu. Voilà, et donc ils doivent aussi démontrer que malgré tout ils ont réussi à s'en sortir. C'est un peu une situation paradoxale, extrêmement difficile, que les gens essayent de négocier comme ils peuvent. Surtout qu'il y a quand même le souvenir de situations glorieuses, vraiment de peuples magnifiques. Vous avez cité les Sioux, les Cherokees. Cette identité-là est importante également. Il y a une culture de l'identité de là où nous venons. On est 500 ans après la première rencontre, mais on est toujours dans la rencontre. On est toujours dans la diplomatie. Donc, les Indiens doivent faire avec ces stéréotypes-là. Ils doivent les utiliser et ils sont devenus experts pour les utiliser. D'accord ? Les Indiens aujourd'hui, ils savent se servir des médias. Eh bien, justement, Thomas Griot, nous allons évoquer l'inévitabilité. En fait, tout était possible avec Laurent Binet dans quelques minutes, mais je vous propose juste avant une rencontre entre l'Irlande et le peuple Cherokee avec Karen Dalton. Karen Dalton, qui est une guitariste américaine, mi-irlandaise, mi-Cherokee. France Culture. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Yesterday, any way you made it was just fine. So you turned your days into night time. Didn't you know? Karen Dalton, Something on Your Mind, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Perret Legras avec aujourd'hui à la technique Aldel Kaglar. Et nous poursuivons notre réflexion sur le regard porté sur l'autre au moment de ce que l'on a longtemps appelé les grandes découvertes. Nous nous penchons sur l'histoire d'une rencontre. Et nous poursuivons alors là avec une rencontre étonnante avec vous, Laurent Binet, parce que vous venez avec cet ouvrage « Civilisation » chez Grasset. Je le dis aux gens qui voudraient taper sur leur moteur de recherche « Civilisation », il y a un Z à la place du S. Civilisation, quelle est cette histoire ? Ben, c'est l'histoire d'un retournement et d'un renversement, c'est très très simple. J'ai lu dans un livre de Jared Diamond, j'ai lu cette question posée par Jared Diamond, pourquoi c'est Pizarro qui vient capturer Atahualpa et pas Atahualpa qui vient capturer Charles Quint ? Et je me suis dit pourquoi pas, j'ai eu envie de raconter cette histoire. À partir de cette envie, j'ai dû m'interroger sur les conditions de possibilité, de faisabilité de ce renversement, et donc ça a été le début de mon livre. C'est une démarche d'Uchronie. Nous aimons bien l'Uchronie. L'Uchronie, c'est intéressant parce que l'Uchronie parle des possibles et des impossibles, et puis parce qu'il y a aussi une forme de plaisir qui est essentielle quand on parle d'histoire. L'histoire n'est pas là pour nous enquiquiner. L'histoire est là pour nous faire comprendre et nous faire plaisir. Et l'Uchronie, pour cela, est un vecteur intéressant. Vous avez imaginé donc que c'est Atahualpa qui conquiert l'Europe, qui est quelque chose de complètement improbable. Mais pourquoi jouer sur l'Uchronie ? En quoi cela vous a permis de dire des choses ? On le sait bien, le romancier veut dire des choses. J'avais envie justement de partir de cette improbabilité et de jouer avec, en fait. C'est-à-dire qu'il est très très improbable que 200 hommes débarquant dans un territoire inconnu puissent faire vaciller et conquérir un empire. Mais c'est peut-être improbable, mais ça s'est produit au moins deux fois avec Cortés et Pizarro. J'avais tout le temps en tête. Une des motivations, c'était proposer aux vaincus une revanche, évidemment. Mais ensuite, j'avais tout le temps en tête ce travail de transposition. Si on inverse les choses, alors qu'est-ce qui se passe ? Comment on fait si on débarque à Lisbonne, si on débarque donc en Espagne, pour conquérir un empire ? Et j'avais donc toujours en tête le modèle de Cortés et Pizarro. Et donc, vous avez dit dans la première demi-heure, comment Cortés a procédé. Les deux cas, d'ailleurs, sont assez dissemblables, en fait. Cortés, il a cherché des alliés parmi les ennemis des Aztèques, parmi les peuples colonisés, opprimés et en guerre avec les Aztèques. Alors donc, tout le jeu était de me dire quelle équivalence je peux trouver. Alors, quels étaient les ennemis de l'intérieur, les ennemis de l'extérieur de Charles Quint, l'extérieur François Ier, à l'intérieur les populations opprimées, les Juifs, les Morisques, les paysans allemands qui avaient été réprimés pendant la guerre des paysans quelques années plus tôt, et ainsi de suite. Autre parallèle, une autre différence entre les Aztèques et les Incas, c'est qu'en effet, les Aztèques ont cru voir des dieux débarqués. Alors que les Incas, en fait, vous l'avez aussi évoqué dans la première partie, c'est très amusant de voir que rétrospectivement, on analyse les causes de la victoire, de la défaite. Mais pour les Incas et pour les Aztèques, c'est presque un comportement inverse qui aurait causé leur perte. C'est-à-dire que Moctezuma aurait eu trop peur des Espagnols, les prenant pour des dieux. Et inversement, Atahualpa, lui, aurait été trop orgueilleux, trop sûr de lui. Se serait dit, bon, c'est quoi ces espèces de clochards là? Et quand il débarque, Pizarro, il a capturé Atahualpa. Ça a été ça son mouvement décisif. Et donc, parce que Atahualpa est venu avec 3000 hommes, mais dans son habit d'apparat, etc., etc. Mais je veux revenir à Cortés. Donc Cortés débarque. Donc avec Cortés, on est chez les Aztèques. Hein. Absolument, donc on est plutôt au Mexique. Exactement. Et donc les Aztèques croient voir débarquer le serpent à plumes et donc se sont déstabilisés. Et je me suis demandé, est-ce qu'il aurait pu y avoir un élément équivalent de déstabilisation en Europe ? Et oui, en fait, je l'ai trouvé. Il n'était pas allé chercher très loin. Atahualpa est le fils du soleil, il arrive avec sa religion du soleil, au moment où Copernic explique à l'Europe entière que le soleil et la terre n'est pas au centre de l'univers, et au moment où donc se développe l'héliocentrisme. Et donc voilà, tout ce jeu de tout ce jeu de stratégie, si vous voulez, de diplomatie, de politique, et puis de, comment dire, de considération idéologique, de jeu sur les idéologies, les symboles, m'a semblé amusant. Évidemment, pour parler des uns et pour parler des autres. Et des uns regardant les autres, avec l'effet de miroir et le renversement du regard. L'effet miroir. Atahualpa quitte l'Amérique et il arrive en Europe. Effectivement, ça se passe très bien pour lui. Nous écoutons juste un petit bout de votre roman, Laurent Binet, qui nous est lu par Olivier Martineau, La réussite d'Atahualpa. Après la mort de Philippe, tout devint plus facile. Les cohortes de Castille et d'Aragon, ensevelies sous l'or de Tahuantinsuyu, proclamèrent Atahualpa Ier, roi des Espagnes, de Naples et de Sicile. Pour plus de commodité, il se prêta au rituel du baptême, auquel les Levantins accordaient tant d'importance. Il se vit attribuer le nom d'Antonio, mais ce n'est pas celui que l'histoire a retenu, car tous, amis ou ennemis, à l'exception de certains vieux chrétiens castillans, continuèrent à l'appeler par son vrai nom. Ce dont l'histoire se souvient, ce sont ses promesses aux cohortes. Comme son prédécesseur, il jura qu'il était déterminé à vivre et mourir en Espagne. On a vu comment il tint parole. S'ensuivit une politique de mariage destinée à affermir la position des Incas en Europe. Isabelle, anéantie par la mort de son fils, n'eut pas la force de repousser une seconde fois la demande d'Atahualpa. Ainsi, la veuve de Charles Quint devint-elle son épouse secondaire. La cérémonie ne fut pas joyeuse à cause du deuil, mais solennelle. Pour ne pas aviver la tristesse de la mariée, elle eut lieu non pas dans la cathédrale de Séville, où trônait désormais le tombeau de Charles, mais dans celle de Cordoue. La pompe des Incas rencontra celle de la couronne espagnole. Le roi d'Espagne passa des sandales aux pieds de sa nouvelle épouse, puis on sacrifia des lamas, comme le voulait la coutume. Des caisses de bijoux furent livrées à la reine. Civilisation de Laurent Binet, lu par Olivier Martineau dans Le cours de l'histoire. Il y a énormément d'humour aussi, Laurent Binet, dans cette démarche, parce que c'est vrai que les lamas qui se développent un peu partout en Europe, il y a un jeu aussi, c'est presque un amusement intellectuel de jouer sur l'Uchronie. C'est-à-dire l'histoire contrefactuelle est forcément ironique en fait. Il y a forcément le principe, c'est un principe de distance et un principe d'écart et un jeu de va-et-vient permanent sur des différences, mais aussi des ressemblances. Mais l'extrait que vous venez de lire, bon, évidemment, ça a l'air très exotique, mais Pizarro, les Espagnols n'ont pas procédé autrement. Ils se sont mariés avec les princesses indiennes, incas, aztèques, locales. Et donc, c'est amusant, en effet. Enfin, moi, je trouve ça amusant. Ce qui nous semble très, très incongru quand on entend cette version de l'histoire, en fait, correspond à ce qui s'est produit dans l'autre sens, et donc, à mon sens, ne l'est pas du tout. Oui, que l'empereur Inca, Atahualpa, le dernier empereur Inca, devienne en réalité le roi d'Espagne, enfin, qui remplace Charles Quint, ce qui est quand même pas rien, c'est tirer les choses un peu loin, mais il y a aussi cette volonté, c'est sans doute pour ça qu'il y a un Z à civilisation sur le titre de votre roman, Laurent Binet, il y a cet amour du jeu. J-E-U. C'est ce jeu qui vous intrigue. Et nous, on est pris par ce jeu avec quand même la conscience qu'il y a une volonté de parler à notre présence. C'est-à-dire que là où les Espagnols ne se sont pas très bien conduits en Amérique, Atahualpa se conduit plutôt bien en Europe. Oui, mais oui et non, en fait. Parce que évidemment, le renversement implique l'idée de départ, c'est clair que ma sympathie va à Atahualpa, mais si je renverse l'histoire, du coup, les envahisseurs deviennent les Indiens. Et c'est aussi ce que j'ai voulu montrer dans la dernière partie, quand il y a cette espèce de confrontation, cette rencontre entre Montaigne et le Gréco, et chacun défend des positions. Donc Montaigne défend ses positions humanistes, et puis le Gréco plus, jésuite, catholique, intransigeant, qui jamais n'acceptera la religion du soleil. Bon, et spontanément, on a tendance à d'être du côté de Montaigne, sauf que Montaigne, là, se retrouve quand même dans une position qui approche d'une position de collabo, en fait. C'est-à-dire qu'il collabore avec les Aztèques, il est au service des Aztèques, et donc, en fait, c'est beaucoup plus ambigu. Il est vrai que, dans ma version, Atahualpa arrive à une forme de paix religieuse avec cet édit de Séville, mais finalement, cet édit de Séville anticipe ce qui a été dans la véritable histoire l'édit de Nantes, mais aussi la paix d'Augsbourg, c'est-à-dire que Charles Quint, tout comme François Ier, enfin les monarques, avaient intérêt à la paix religieuse. Donc en fait, moi je voulais pas mettre. On parle beaucoup de à propos de mon livre de contes voltairiens. Moi c'était pas ma logique. J'étais plus dans une logique. Si Atahualpa vient en aide aux Juifs et aux Morisques, c'est par stratégie. C'est pas pour juste par bonté d'âme. Atahualpa reste un monarque très féroce. Les empires incas et aztèques étaient des empires impérialistes, conquérants, assez, enfin oui, même très féroces pour les aztèques. Donc voilà, j'avais une logique, absolument pas. Je voulais éviter tout manichéisme dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire. En fait, plus ça va, j'avais eu cette discussion très intéressante avec Jean Birenbaum qui me disait, oui, mais alors le décentrement, il me disait, mais le décentrement, c'est ça le génie européen, c'est-à-dire vous êtes jamais autant européen que quand vous... Alors je lui avais dit, bah oui, mais dans ce cas-là, on s'en sort jamais. Mais en fait, plus ça va, moins je crois à l'essence des peuples. Je pense que, voilà, les Incas, les Aztèques étaient des conquérants au même titre que les Européens, si vous voulez. Je crois que on m'a posé la question aussi, pourquoi alors c'est les Européens et pas les Chinois ou les Japonais qui étaient des civilisations extrêmement développées qui ont découvert l'Amérique? J'aime bien l'hypothèse de Serge Grusinski qui dit que parce que les courants marins étaient pas bons. J'aime bien cette idée que voilà, c'est-à-dire ça dépend. Il y a pas de génie des peuples en fait. Il y a le fait que les Européens, ça c'est la théorie de, enfin une théorie rapportée par Jared Diamond, les Européens avaient des animaux domestiques avec lesquels ils vivaient presque et qui leur ont donner leur, des microbes d'abord et puis un système immunitaire ensuite, et que c'est ça qui a fait que ils ont décimé les Indiens. Et j'aime bien cette idée que ça se joue à ça peut être des tendances lourdes si vous voulez, mais ça se joue à des choses très circonstancielles, très qui n'ont rien à voir avec telle ou telle spécificité d'un peuple ou d'un autre. Et sur des millénaires en plus, c'est ça qui est intéressant en l'occurrence dans ce que vous dites, Laurent Binet. C'est vrai qu'il y a cet effet, tout mon livre est bâti sur un effet papillon, c'est-à-dire que voilà, quelques vikings qui choisissent de rester et de faire souche en Amérique au lieu de revenir au Groenland auraient pu changer la face du monde, mais... il aurait fallu quand même attendre 500 ans. C'est-à-dire que j'essaie toujours... On me ramène toujours au présent, et on a raison. Hein, l'histoire, évidemment, c'est toujours l'histoire vue du présent. L'un des messages, s'il y en a un du livre, c'est qu'une autre mondialisation était possible. Et c'est peut-être une manière de nous rassurer à l'heure où là, on sent bien qu'il y en a une qui se termine et qui risque de nous entraîner avec elle dans sa chute. Donc c'est un petit peu rassurant de se dire que ça tient pas à grand-chose, que l'histoire bifurque, ça tient pas à grand-chose, mais il faut peut-être attendre 500 ans. Alors ça, c'est pas tout à fait rageux, mais je sais pas si on aura le temps. Non, mais vous savez, non, le temps passe vite. C'est surtout que dans la lecture du destin d'Atahualpa, il y a la vôtre, Laurent Binet, mais il peut y avoir une autre forme de lecture d'Atahualpa. On va l'écouter tout de suite, elle nous est également lue par Olivier Martineau. C'est un extrait du Canto General de Pablo Neruda, le chant général en 1950. Cajamarca fut le début de l'agonie. Le jeune Atahualpa, étamine bleue, arbre illustre, écouta le vent apporter la rumeur d'acier. C'était depuis la côte un vague éclat, c'était un frisson, un galop indescriptible. Piaffement et puissance, de fer et fer encore dans les herbes. Les adelantados parurent, l'Inca sortit de la musique entouré par les dignitaires. Les visites, sueur et barbe d'une autre planète, allaient faire la révérence. Balberde l'aumônier, cœur félon, chacal pourri, présente un objet bizarre, un morceau de panier, un fruit peut-être de cette planète, d'où viennent les chevaux. Atahualpa le prend. Il ne connaît pas cette chose qui ne brille ni ne teinte. Souriant, il la laisse tomber. À mort, vengeance, tuez, je vous absous, crie le chacal à la croix assassine. Le tonnerre accourant vers les bandits, on répand notre sang dans son berceau. Les princes entourent comme un cœur l'Inca, à l'heure du trépas. 10 000 Péruviens tombent sous les épées et sous les croix. Le sang mouille les vêtements d'Atahualpa. Pizarre, cruel pourceau d'Estrémadour, fait lier les bras fragiles de l'Inca. La nuit, sur le Pérou, est descendue comme une braise noire. La nuit sur le Pérou est descendue comme une braise noire. C'est magnifique, Pablo Neruda, Canto General, 1950. Laurent Binet, vous offrez une autre lecture de l'histoire d'Atahualpa. Vous, c'est plutôt un Atahualpa héroïque. Il y a de l'émotion dans ce que dit Pablo Neruda parce qu'il essaye de toucher à une lecture possible de ce destin en faisant ce roman Civilisation. C'est vrai qu'il y a comme quelque chose, on va dire, de vengeance. Il y a ça aussi de se dire que ces peuples à la culture sublime qui ont été vraiment écrasés par la domination européenne auraient pu nous offrir des choses. Il y a cette démarche-là aussi un peu. Oui, il y a l'idée de la revanche, mais si vous voulez, au sens presque de western, là, le très beau texte qu'on a entendu de Pablo Neruda, c'est aussi une scène de western. Les 180 Espagnols qui sont embusqués, qui attendent l'arrivée d'Atahualpa avec tout son apparat sur sa litière, ses 3000 hommes, et ils sont cachés, ils attendent le signal et ils ont peur. Et d'après leur propre récit, ils urinent dans leur pantalon. C'est vraiment une scène de Sergio Leone, et jusqu'à ce que il arrive, le prêtre Valverde, le chacal pourri dont parle Neruda, qui lui tend la Bible, et c'est tellement théâtral et cinématographique, et Atahualpa prend la Bible, l'écoute, n'entend rien, dit j'entends rien, la jette, et à ce moment-là c'est le signal. Et ça aussi c'est une reconstruction, évidemment, c'est-à-dire qu'en fait il pouvait pas prévoir que c'est au moment où il jette la Bible, enfin il pouvait pas prévoir ce que ferait Atahualpa, mais ils ont décidé, évidemment, pour donner plus de symboles et plus justifier au nom de Dieu l'attaque. En tout cas, on voit la Bible tomber par terre dans la poussière, et là les cavaliers embusqués donc avec le rôle primordial du cheval, hein, les cavaliers qui se ruent sur les 3000 Indiens terrorisés, et Pizarro qui comprend que sa seule chance, c'est de prendre Atahualpa vivant, et donc qui essaie d'arriver à lui avant que ses hommes le tuent. Bon, c'est des scènes d'une dramaturgie incroyable. C'est une dramaturgie incroyable, et ça fait partie du patrimoine mondial. C'est vrai que ce moment où on tend la Bible à Atahualpa en lui disant « écoute la parole de Dieu », il la met à l'oreille et il dit « bah j'entends rien », ça fait partie du patrimoine. Merci beaucoup. Merci beaucoup Laurent Binet pour cette approche de votre civilisation, j'insiste sur le zèle, Z c'est chez Grasset, et merci à vous Thomas Griot pour cette rencontre différente, cette rencontre en miroir, mais il est 9h52 dans le cours de l'histoire sur France Culture, et c'est l'heure de faire une autre rencontre, quelle belle rencontre, celle du journal de l'histoire d'Anaïs Quien. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, comment prendre le relais après les chacals pourris? Mais non, vous êtes largement au-dessus des chacals pourris. Du chacal pourri, merci, bah oui. Je vous remercie. Non, surtout qu'aujourd'hui, Anaïs, vous revendiquez, attention, de mauvaises fréquentations. Et oui, vous les avez reconnus, les Peaky Blinders sont de retour sur Netflix et bientôt à la télévision. Une cinquième saison commence avec la famille Shelby Gray, gitan, ancien combattant de la Première Guerre mondiale, maître des courses et des matchs truqués, de l'alcool frelaté et de toutes les couleurs que compte la corruption. Une famille de gangsters à la tête d'un empire du crime, toujours aux prises avec un nouveau rival à chaque saison. Allô ? Arthur, tu sais où est Tommy ? Tu vas aller le trouver et lui dire qu'on a tout perdu. Reste chez toi, tu bouges pas. Tommy va t'appeler. Attends, Arthur, de quoi tu parles? Comment c'est possible? C'est possible parce qu'à 6h ce matin, à New York, la bourse de Wall Street s'est effondrée. Comme un train qui déraille. Et ce qui est sûr, c'est qu'on était à bord. Comme vous l'entendez, l'intrigue reprend son cours en pleine crise de 29. L'expansion familiale aux États-Unis a fait flop et nécessite un repli sur les activités crapuleuses habituelles et britanniques. Mais cette fois-ci, en toute quiétude, puisque dans les saisons précédentes, toutes les mafias concurrentes ont été réduites au silence. Le crash boursier n'est qu'une broutille, si c'est une catastrophe pour les affaires, c'est une aubaine politique. Et Thomas Shelby sait habilement s'en saisir depuis son siège de député socialiste récemment acquis à la Chambre des communes, déjouant une fois de plus les hiérarchies sociales du Royaume-Uni. Eh bien, au nom des cireurs de chaussures et des manutentionnaires de Birmingham Sud et de toute la Grande-Bretagne, je suggère que tous les écervelés qui ont dilapidé leur fortune dans la loterie capitaliste apprennent à cirer eux-mêmes leurs chaussures, à porter eux-mêmes leurs fardeaux et à payer eux-mêmes leurs factures. Entre les roulottes en rase campagne et le Parlement, la famille Shelby semble avoir trouvé un statut social inespéré, mais les Peaky Blinders doivent affronter un nouvel ennemi de taille, le fascisme. Tommy, devenu tribun du peuple, attire l'attention d'un sombre personnage en embuscade dans les replis de velours du Parlement, le fasciste à l'anglaise incarné dans l'histoire et dans la fiction par Oswald Mosley. Cette cinquième saison prend un tour moral doublé d'un pacifisme soutenu par un dialogue au whisky avec Churchill en personne, favorable à une guerre souterraine des bandits contre les exciteurs de guerre. Mosley, allié aux unionistes irlandais les plus radicaux et les plus violents, ne tarde pas à devenir la bête noire des Shelby. Un ennemi particulièrement détestable qui réconcilie les anciens rivaux des gangs juifs, italiens, chinois, gitans et un scénario qui nous propose donc peut-être une interprétation de l'histoire façon Peaky Blinders dont l'écriture se fait en pleine négociation du Brexit. Ce sont les immigrés ligués contre Oswald Mosley qui s'apprêtent à sauver la Grande-Bretagne de sa droite extrême. Du fascisme. Merci beaucoup Anaïs Quien. On retrouve tous les liens et les informations complémentaires sur la page du journal de l'Histoire, c'est sur franceculture.fr. Laurent Binet, vous vous êtes amusé à jouer avec de l'Uchronie, mais vous ne manipulez pas l'histoire, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de risque de confusion. Régulièrement, on voit dans des romans, des biographies, où l'auteur a bouché les trous en inventant un petit truc, où il aurait pu aller aux archives pour travailler, et on appelle ça roman. Vous, c'est vraiment du roman, parce qu'il n'y a pas de risque de confusion. Non, moi je suis pas dans le bricolage, je suis dans le grand renversement total, quoi. Ah oui, là, personne ne va imaginer que Atahualpa a effectivement débarqué en Europe, mais c'est toujours cette même chose, c'est comment véhiculer l'histoire avec les séries, comme le dit Anaïs Quien, avec vous, le roman, l'Uchronie, dans Civilisation, ou avec vous, Thomas Griot, avec des études qui se lisent toujours avec plaisir, ce sont juste des démarches différentes. C'était le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane-Viudès, Camille André et Alice Rouet. Merci beaucoup. Vous pouvez réécouter toutes ces émissions en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast. C'est pratique les podcasts. Demain, nous continuons la balade avec la rencontre d'un personnage essentiel dans notre réflexion sur les grandes découvertes ou l'exploration du monde. Christophe Colomb, découvreur de génie, courageux aventurier ou bien mystique illuminé, il est peut-être un petit peu de tout ça. Et puis nous irons à la rencontre du sublime Vladimir Maïakovski, un poète qui s'est pris pour Christophe Colomb.